N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus, oui. Que diable allait-il faire à cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Scapin à part. Cette galère lui tient au cœur. Gironde. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or, et je ne croyais pas qu'elle dût m'être si tôt ravie. Il lui présente sa bourse, qu'il ne laisse pourtant pas aller, et, dans ses mouvements, il fait aller son bras de côté et d'autre, et Scapin le sien pour avoir la bourse. Tiens, va t'en racheter, mon fils. Scapin donne la main. Oui, monsieur. Géronte, retenant la bourse, qui fait semblant de vouloir donner à Scapin. Mais dis à ce Turc, c'est un scélérat. Scapin, tendant encore la main. Oui. Géronte, recommençant. Un infâme. Scapin. Oui. Un homme sans foi ni loi. Laissez-moi faire. Qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui. Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Fort bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Géronte remet la bourse dans sa poche et s'en va. Va, va vite recueillir mon fils. Scapin allant après lui. Holà, monsieur! Quoi? Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment. Vous l'aviez remis dans votre poche. Ah, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Scapin seul. Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, mais il n'est pas quitte envers moi de m'avoir obligé de révéler à son fils Léandre des fourberies dont il ne savait pas encore l'auteur.